Sans toi j'ai tellement froid, non. Mais je dois rester un homme, je dois tout cacher. Sans toi j'ai tellement froid, non. Et crois-moi tout ce que tu donnes, moi j'ai tout gardé. J'appelle une fois, je rappelle une autre fois. Depuis moi j'attends, mais tu ne réponds plus. Et j'appelle une fois, je rappelle une autre fois. Depuis moi j'attends, mais tu ne me connais plus. Plus que des mots, il ne me reste plus que des mots. Mais ce serait lâche de te dire qu'on doit continuer en niant qu'on va vers la mort. Plus aucun mot, toi tu ne disais plus aucun mot. Et aujourd'hui la douleur m'inonde. Je t'ai vu creuser nos tombes. Parle-moi même si c'est pour m'insulter. Dis-moi que je suis l'homme que tu détestes, mais ne m'ignore plus jamais. S'il te plaît, parle-moi, dis-moi jusqu'à tu pars. Les regrets sont arrivés trop tard. Tu ne reviendras jamais. Sans toi j'ai tellement froid non. Mais je dois rester un homme. Je dois tout cacher. Sans toi j'ai tellement froid non. Et crois-moi tout ce que tu donnes. Moi j'ai tout gardé. J'appelle une fois, je rappelle une. Depuis moi j'attends, tu ne réponds plus. Et j'appelle une fois, je rappelle une autre fois. Depuis moi j'attends, mais tu me connais plus. Karimi, Fada Karimi, oh ma Fada Karimi. Fada Karimi, Fada Karimi, Fada Karimi. Yeah.